Alors bonjour à tous, Aurélien. Donc on se retrouve pour mon coup de cœur de la semaine. Donc mon coup de cœur cette semaine, c'est un coup de cœur littéraire. C'est Origins de Dan Brown. Donc Dan Brown, son nom réel, son vrai nom, c'est Daniel Gard Brown. C'est compliqué d'ailleurs. Il est anglais. Il a 53 ans. Il réside aux États-Unis actuellement. C'est Origins, pardon, c'est le dernier d'une mini-série, on va dire, avec le même héros à chaque fois. Donc c'est Robert Langdon. Tout au début, il y a eu Da Vinci Code, pardon, qui est d'ailleurs l'un des romans les plus vendus de tous les temps, qui est sorti en 2004. Il y a Angers Démons en 2005, qui a eu Le Symbole Perdu en 2009, Inferno en 2013, et dernièrement, Origins. Pour ceux que ça intéresse, déjà, je vous préviens tout de suite, Le Symbole Perdu et Inferno, je les ai trouvés moyen-moyen. Honnêtement, Da Vinci Code, Angers Démons et Origins, c'était franchement les trois meilleurs. Après, Dan Brown, en tout, il en a sorti 4, 5, 6, 7, il a sorti que 7 livres. Il en a sorti 5 avec Robert Langdon et deux autres qui n'ont rien à voir, qui s'appellent Deception Point et Forteresse Digitale, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Oui, c'est un très bon livre. Dan Brown, il sait super bien parce que son livre, comment dire, il mêle super bien les codes, tout ce qui est des codes, des mots de passe, des trucs comme ça, de l'histoire, de la science, de l'art. D'ailleurs, j'ai même appris des choses en lisant ce livre, parce qu'il faut quand même préciser qu'au début du livre, il précise quand même que tous les lieux, œuvres, théories scientifiques, organisations religieuses citées dans cet ouvrage sont authentiques. Donc du coup, j'ai appris quelques petits trucs. Je vais vous faire un court résumé en lisant le résumé, du coup. Donc, Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée Guggenheim à Bilbao, désolé mon accent c'est espagnol, pour assister à la conférence d'un de ses anciens élèves, Edmund Kirsch, un éminent futurologue spécialiste des nouvelles technologies. La cérémonie s'annonce historique, car Kirsch s'apprête à révéler les résultats de ses recherches qui apportent une réponse stupéfiante aux questions fondamentales sur les origines et le futur de l'humanité. Les questions justes, c'est où allons-nous et d'où venons-nous, hein? Je spoil un tout petit peu. Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les révélations de Kirsch risquent d'être perdues à jamais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao, Langdon s'envole pour Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, la directrice du musée. Ensemble, ils vont se lancer en quête d'un étrange mot de passe qui permettra de dévoiler au monde la découverte de Kirsch. Kirsch, ouais, c'est bien ça. Donc ça se passe en Espagne, du coup. Il est vachement bien. Je vous ai dit pourquoi j'ai aimé. Comment ça s'appelle? Ah oui, je voulais juste dire que aussi, petite parenthèse, il parle un petit peu de théorie du complot pendant un moment. Et il parle aussi de l'ère franquiste avant le roi actuel. C'est avant, donc c'était de 1939 à 1971, je crois, de tête. C'était un peu comme Mussolini pour l'Italie et Hitler pour l'Allemagne, c'était un dictateur. Et en gros, c'était ça. Et pour ceux aussi qui liraient vite fait, je voudrais juste dire un tout petit truc. Tous ceux dans Da Vinci Code et Angers Démons, évidemment, l'intrigue, c'est pas mal aussi autour un peu de sociétés secrètes qui veulent détruire le Vatican, par exemple. Voilà. Je voudrais juste dire, il parle des Illuminati. Donc c'est la grande société secrète, truc du complot. Je voudrais juste préciser que les Illuminati ont effectivement existé, mais c'était au temps des Romains parce que ils persécutaient les scientifiques. Illuminati vient de illuminer, c'était tous les scientifiques qui se rassemblaient pour parler de science. Donc tous ceux qui pensent que c'est des théories du complot et tout, c'est juste des thèses, ça n'existe pas réellement. Voilà, c'était juste toute petite parenthèse. Bref. Je vous conseille. Il est vendu au prix de 4,50 € je crois, dans à peu près toutes les librairies, médiathèques. Enfin non, tu peux les emprunter à la médiathèque et compagnie. Et voilà. Bon bah à la semaine prochaine. Au revoir.